Vous écoutez Futur Simple au 89.1 et nous allons aborder cette première partie de l'émission sur la question de la ressource en eau. Alors, c'est un élément central du débat sur l'environnement au Québec. De l'eau au Québec, il y en a un peu partout. Et quand on parle d'eau, des thèmes récurrents nous viennent en tête, tels que les inondations qui touchent une grande partie de la province chaque printemps, en espérant que ce ne sera pas le cas cette année. Ou alors encore la qualité de l'eau des lacs et des rivières. Et les rivières aussi, il ne faut pas l'oublier, qui sont hautes de plusieurs activités récréatives. Alors pourquoi on s'intéresse à la qualité de l'eau? Quels sont les principaux facteurs qui influencent la qualité de l'eau? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités, Sébastien Ouellet-Proux et Myriam Sansondo, qui sont tous deux étudiants en sciences de l'eau. Donc l'un est étudiant au doctorat, l'autre étudiant à la maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine qu'il y a plein de bonnes raisons de s'intéresser à la qualité de l'eau, ne serait-ce que pour la boire et pour continuer à aller jouer dedans. Oui, vous avez raison. Il y a plusieurs raisons de s'intéresser à la qualité de l'eau. Certaines sont plus connues que d'autres. On pense, entre autres, au maintien de la qualité des sources d'eau potable, que ce soit les eaux de surface ou les eaux souterraines. On pense aussi au maintien de la qualité de l'eau pour les activités récréatives, comme vous l'avez dit. Pour aller se baigner, c'est bien qu'elle soit propre. Ici, dans la vallée du Saint-Laurent, plusieurs personnes se penchent sur la gestion des rejets agricoles qui sont souvent pointés du doigt comme une source principale de la pollution dans les cours d'eau dans la vallée du Saint-Laurent. Ces rejets sont notamment responsables du transport de pathogènes et des fertilisants qu'on met dans les champs, qui sont transportés vers les cours d'eau. Une autre source de polluants pour l'eau, c'est les rejets d'eau usée, qui est un sujet récurrent quand il y a question de qualité de l'eau. Bien, comme je vous disais, il y a des raisons plus connues de s'y intéresser à cette qualité de l'eau, d'autres un peu moins. Dans l'équipe de recherche dans laquelle on se trouve, Myriam et moi, on s'intéresse principalement aux paramètres physiques qui présentent un lien entre la qualité de l'eau et la faune aquatique, comme la température de l'eau et le transport sédimentaire, entre autres. D'accord. Donc, la température de l'eau et le transport sédimentaire, ce sont deux paramètres physiques qui vont influencer la qualité de l'eau. Et ouais, donc, la présence des poissons, et éventuellement. C'est ce que je crois comprendre. Donc, pourquoi c'est le choix de ces deux paramètres? En fait, je vais laisser Myriam vous parler du transport sédimentaire. Ouais. En fait, chacun sa spécialité. Moi, davantage vous parler de la température de l'eau. D'accord. Mais on vous parle de ces sujets-là d'abord parce que c'est ceux qu'on étudie, nous, pour nos travaux. OK, mais donc dans l'équipe, vous avez des collègues qui travaillent sur d'autres paramètres, peut-être? Oui, mais c'est surtout ceux-là qu'on étudie dans notre équipe. D'accord. Puis, si on pense à la température de l'eau, on sait que sur la Terre, sur le globe, il y a une variabilité naturelle de la température de l'eau qui est évidemment en fonction du climat. Donc, les espèces aquatiques qui vivent dans ces cours d'eau-là ont adapté leur cycle de vie aux températures normalement rencontrées dans la région. Lorsque quelque chose vient modifier le régime thermique d'un cours d'eau, par exemple la réduction du débit, la modification de la morphologie de la rivière ou d'autres raisons, on risque d'observer des conséquences sur les espèces qui habitent le cours d'eau. D'accord. Donc, certaines espèces sont plus sensibles que d'autres à ces modifications. Donc là, c'est certainement le cas au Canada, au Québec. Est-ce que vous avez des exemples de poissons qui seraient sensibles donc à ces variations de température de l'eau? Bien sûr. Par exemple, il y a certains poissons comme le saumon qui préfèrent les eaux plus froides. Donc, les hautes températures peuvent causer un stress important sur ces poissons. Dans certains cas, le stress engendré par les températures élevées vont même aller jusqu'à causer des mortalités massives dans certains cas. On a vu ça avec la carpe il y a quelques années, non? Oui, en 2005. D'ailleurs, il y a une étudiante qui a eu son doctorat dans l'équipe de recherche qui travaillait sur ce sujet-là. Oui. Donc, comme je disais, il y a des conséquences sur les organismes aquatiques, comme le saumon dont je vous parlais. Mais il y a aussi des conséquences sur l'activité humaine dans certaines régions, comme, par exemple dans l'est du Canada, où la pêche au saumon est une activité importante, saumon de l'Atlantique, activité récréotouristique et économique importante. pense par exemple aux rivières Restigouche ou Miramichi ou la pêche au saumon. Et mm-hmm. Une très, très belle pêche au saumon. Donc, il y a une grande importance à la ressource. Mm-hmm. Donc, il est important d'avoir un suivi des températures de l'eau dans ces régions-là. Et on fait ça comment pour suivre la température de l'eau? Est-ce que c'est, on met pas juste un thermomètre dans l'eau? J'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, il y a des réseaux de mesure de la température de l'eau qui sont faits par des gens qui s'y intéressent. Il n'y a pas de réseau de température de l'eau officiel au Canada. Mm-hmm. C'est fait aux États-Unis, mais ici, on n'en a pas vraiment. Mm-hmm. Puis, j'avais un autre exemple de conséquences du réchauffement ou du changement de température d'un cours d'eau. Oui, par exemple, je vous parlais de l'Est du Canada, mais c'est aussi le cas dans l'Ouest du Canada, en Colombie-Britannique. C'est d'ailleurs le sujet de mes recherches de doctorat. Dans la rivière Nichaco, qui est une zone de migration du saumon sockeye, on appelle aussi le saumon rouge. Dans les années 80, les chercheurs de Pêche et Océan Canada ont observé une diminution radicale du nombre de saumons qui revenaient frayer dans cette rivière-là. Ils ont réussi à établir un lien entre cette diminution et la hausse des températures de l'eau après la construction d'un ouvrage de rétention, d'un grand barrage, en amont de la zone de migration, donc plus haut dans le bassin versant. Mm-hmm. Donc, la construction du barrage a entraîné une réduction du volume d'eau qui s'écoulait dans la rivière, donc un réchauffement plus rapide de l'eau. Donc, pour une même quantité d'énergie fournie à une rivière, si on diminue le volume d'eau, l'eau va se réchauffer mm-hmm. plus rapidement. Donc, à la suite de ces recherches-là, on est venu à la conclusion que les températures excédant 20 degrés Celsius avaient des conséquences sur le saumon sockeye, notamment en ce qui a trait à ses performances de nage. On a vu l'apparition de maladies mm-hmm. plus fréquentes et une infection parasitaire. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, suite à ces conclusions-là, il y a eu des accords qui ont été signés entre les gestionnaires du barrage et le gouvernement provincial pour s'assurer qu'il y avait... Relâcher un peu d'eau, quand la température est trop chaude, pour relâcher un peu d'eau, permettre donc à la température de redescendre et favoriser la survie des... Pendant certaines périodes critiques où il y avait une migration du saumon. Donc là, tout à l'heure, on parlait, donc bon, vous étudiez la température de l'eau. Bon, finalement, vous faites ça comment? Bien, il y a... plusieurs sujets d'études en hydrologie qui portent sur la température de l'eau. Il y a certains chercheurs qui s'intéressent davantage aux conséquences des modifications du régime thermique sur la faune aquatique, sur les invertébrés. Quand on parle de modification du régime thermique, ça semble un peu compliqué, mais c'est juste la variation de température? Oui, une augmentation de la température à un certain moment de l'année, des plus hautes températures mm-hmm. qui arrivent plus tôt ou plus tard dans la saison. Certains exemples comme ça. Certains étudient le comportement de certaines espèces lors de conditions de chaleur extrême. Puis certains chercheurs ont démontré que poisson qui subit un stress thermique va se déplacer vers des zones plus froides d'une rivière, par mm-hmm. exemple, qu'on appelle les refuges thermiques. Ça semble logique. Par exemple, la confluence d'un tributaire dont la température est plus basse. Mm-hmm. De notre côté, dans le laboratoire où on étudie, comme je le disais, on s'intéresse davantage aux paramètres physiques d'un cours d'eau. Donc, dans ce cas-ci, à la température elle-même. On tente de concevoir ou d'améliorer des outils de modélisation qui permettent d'estimer ou de prévoir la température d'une rivière à un moment, à un endroit donné. Mm-hmm. Donc, il existe différents types d'outils, différents types de modèles. En règle générale, on en retient deux. Soit on tente d'estimer une variable d'intérêt, dans ce cas-ci la température de l'eau, à partir d'une seconde variable plus facile à obtenir. Par exemple, la température de l'air. Ça paraît logique. Dans d'autres cas, on tente de répliquer les processus qui agissent dans un cours d'eau et à son interface avec l'air et avec le mm-hmm. sol à l'aide d'équations mathématiques. Mm-hmm. On parle aussi d'un modèle déterministe. Est-ce que les pluies, ça entre en ligne de compte aussi, par exemple? Bien sûr, la météo mm-hmm. va venir influencer la température. Dans un cas comme dans l'autre, on cherche à être capable d'estimer ou de prévoir les températures de l'eau mm-hmm. à un moment donné. Puis, ces outils-là nous permettent de simuler différents scénarios hydrométéorologiques, donc différentes conditions météorologiques et hydrologiques, pour prévoir la réponse du cours d'eau lorsque les conditions surviennent. Donc, si on est capable d'estimer et même de prévoir les températures de l'eau selon certaines conditions, mm-hmm. on est capable de mieux gérer la ressource, mieux gérer le cours d'eau. S'il y a un barrage en amont, c'est vrai pour les barrages, ouais. c'est vrai aussi pour les pêches dont je vous parlais dans les rivières oui. à saumon. Parfois, si les températures sont trop élevées pendant certaines périodes, on va fermer la pêche pour pas qu'on détruise la ressource. OK, pour pas faire un stress supplémentaire, des prises supplémentaires sur les poissons qui sont déjà qui ont déjà trop chaud. Exactement. D'accord. C'est vrai aussi pour les barrages, comme vous le disiez. Certains barrages ont une incidence sur la température de l'eau. Donc, si un outil de prévision permet d'anticiper mm-hmm. les périodes pendant lesquelles on risque de réchauffer la température de l'eau au-delà d'un seuil prescrit par une espèce, le gestionnaire du barrage va pouvoir relâcher un plus grand volume d'eau okay. et éviter qu'il y ait des conséquences mm-hmm. sur la faune aquatique. D'accord. Donc, de plus en plus, on tente de répliquer le débit naturel du cours d'eau mm-hmm. par le relâchement spécifique okay. d'eau à certaines ouais. périodes et répliquer les fluctuations du débit au cours de l'année. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle un débit réservé. Donc, mm-hmm. on essaie de reproduire le débit naturel, on se base sur des données historiques, des données récoltées avant la construction du barrage. Pour essayer de reproduire le débit qui existait un petit peu auparavant ouais, et donc de maintenir une température viable pour les poissons. Par le fait même, oui. D'accord. Un bon exemple, en tout cas, de ce à quoi servent les simulations. Des fois, on ne se rend pas toujours compte qu'est-ce qu'on fait avec les simulations, mais là, je pense que c'est un bon exemple. Alors, on l'a évoqué brièvement aussi, donc la qualité de l'eau, ça dépend de la température, mais ça dépend des sédiments qui sont présents dans le cours d'eau. Puis là, je vais me tourner donc vers Myriam Sansondeau. Donc, ces sédiments qui sont dans les cours d'eau, ils viennent d'où? Oui, ben les sources, en fait, les sources principales de sédiments dans les cours d'eau, ça vient surtout des sols qui sont autour du cours d'eau, Donc, par contre, la quantité de sédiments, elle va dépendre de deux facteurs principaux. Donc, dans la nature des sols, si on a un sol plus type argile ou plus mm-hmm. Du sable, il va y avoir des sédiments de différentes natures, mais aussi l'utilisation des sols autour. Donc, si on a, disons, des terres agricoles autour du cours d'eau, mais il va y avoir des sédiments différents, puis il va peut-être avoir plus de sédiments que si la rivière passe dans une forêt. Mm-hmm. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand il pleut. Donc, lorsqu'il pleut ou lorsque la neige fond, il y a beaucoup d'eau qui va ruisseler de la terre vers l'eau, et puis cette eau-là va amener beaucoup drainer davantage de parties. De sédiments, exactement. Ouais. Si les terres alentour sont des terres agricoles, les sédiments, il peut y avoir autre chose aussi que les sédiments. Je veux dire, il peut peut-être y avoir des polluants aussi. Des polluants aussi. Mais ça va pas. Souvent les polluants, c'est des microparticules qui vont pas vraiment influencer la turbidité. Mm-hmm. Comme si ce que j'ai utilisé, c'est surtout la turbidité. Okay, donc les sédiments dans l'eau. Ouais. Tout ce qui est contamination, c'est une autre. Ouais. Une autre discipline. Disons. D'accord. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des sédiments qui viennent... des fois, s'il y a des pluies qui emmènent des débris de feuilles ou de branches d'arbres, est-ce que ça aussi, ça va contribuer à la turbidité de l'eau? Oui, donc on a vraiment comme des sédiments minéraux, comme j'ai dit, plus sable, argile, mais on a des sédiments végétaux, ça peut être, comme on a dit, des débris de feuilles, des débris végétaux, puis ça va faire beaucoup augmenter... la turbidité. D'accord. Mais pourtant, on se représente assez aisément des grosses rivières, des gros fleuves, là, énormes fleuves comme l'Amazone. Il n'est évidemment pas transparent, c'est pas de l'eau transparente. On la voit toute marron, toute trouble. Et il n'y a pas de terre agricole alentour, c'est de la forêt. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi, des fois, il y a une eau trouble et des fois, il n'y a pas une eau trouble? Oui, en fait, c'est pas parce qu'il y a une eau trouble que c'est pollué. Il y a des sols, comme dans le cas de l'Amazone, c'est vraiment le type de sol qui fait que la turbidité est élevée. C'est vraiment un sol argileux. Donc, les sédiments sont tout petits, vont rester longtemps en suspension dans le fleuve. Mais par contre, c'est pas parce que il y a de la turbidité dans l'eau que c'est pollué. Donc, il y a des espèces qui sont adaptées à vivre là. Puis, le problème, c'est vraiment quand un fleuve ou une rivière est à l'origine assez transparent, pristine, et que tout d'un coup, il y a un gros apport de sédiments parce que, par exemple, on a changé l'utilisation des terres autour. Mm-hmm. Donc, si tout d'un coup, on défriche, on enlève la végétation autour d'une rivière, ben, il peut y avoir de plus en plus de sédiments qui vont se ramasser dans la rivière. Et puis c'est ça, les espèces qui vivaient à l'origine dans une eau claire, ben, vont se ramasser dans un cours d'eau plus turbide. Et alors, ici au Québec, on est dans quelle situation? Les eaux, elles sont naturellement, comment on n'a pas, est-ce qu'on a un sol argileux comme au Brésil et que ça ferait une eau naturellement trouble, ou est-ce qu'au contraire, ça ferait une eau qui serait naturellement relativement claire? Mais ça dépend de quelle région du Québec, mais si on pense par exemple aux régions plus la côte nord, ben il y a pas beaucoup de le sol, c'est vraiment la roche mère, il y a pas beaucoup d'érosion sur le sol, donc l'eau va être vraiment très clair, pas comme en Amazon. Donc c'est là, donc ça veut dire que la faune, bon, les poissons sont adaptés à avoir une eau claire, et c'est là que si justement il y a un apport de sédiments dans l'eau, ben ça va les perturber. Oui, exactement. Donc il y a plusieurs problèmes qui peuvent survenir quand il y a des sédiments dans l'eau chez les espèces. Donc par exemple, quand il y a beaucoup de sédiments, ça va bloquer la lumière. Donc, les algues ont besoin de, comme les plantes terrestres, ont besoin de lumière pour croître. Donc, si on réduit la lumière dans un cours d'eau, ben, on va de fait même réduire la quantité d'algues. Puis, après ça, ça affecte toute la chaîne alimentaire. Donc, les petits organismes qui vont se nourrir des algues vont en avoir moins. Donc, il va y avoir moins de petits poissons qui se nourrissent sur les petits invertébrés, et ainsi de suite. Donc, ça va vraiment affecter toute la chaîne alimentaire. Puis, aussi, si on parle de turbidité puis des poissons, comme les poissons ici sont habitués de chasser dans l'eau assez claire, donc à chasser à vue, s'il y a des sédiments, ils vont moins voir leur proie. Ah oui, ils n'ont pas de radar, hein? Ouais, ben, ils en ont, mais souvent les espèces qui vivent dans une eau claire ont plus tendance à chasser à vue. Voilà. D'accord. Et est-ce que les sédiments finissent par se déposer au fond des cours d'eau? Oui, absolument. Surtout quand l'eau... Le débit de l'eau diminue. Quand la vitesse de l'eau est plus lente, les sédiments vont pas rester en suspension. Les plus gros vont tomber dans le fond de l'eau. Puis ça, c'est quand même dangereux de modifier l'environnement. Donc, quand beaucoup de sédiments s'accumulent au fond d'une rivière ou d'un cours d'eau, ça va modifier ça, l'environnement. Donc, tous les animaux qui étaient habitués à vivre, comme il y a des invertébrés qui vont vivre collés sur les roches, ils ont besoin d'un milieu, d'un substrat ferme pour survivre. D'autres vont se cacher sous les roches. Donc, si on met plein de sédiments, il n'y aura plus ces espaces-là essentiels à la survie de ces espèces. Ouais. Donc, ça a tendance à vraiment uniformiser l'habitat. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des insectes ou des animaux qui vivent cachés dans ces, milieux-là, mais encore là, si on change un environnement, ça va être des nouvelles espèces qui vont arriver. Mm-hmm. Et on a parlé plutôt des organismes qui sont adaptés à la vie des sédiments. Donc, eux, est-ce qu'ils vont être perturbés par cet apport supplémentaire de sédiments? Non, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment un changement. Si tout d'un coup, on a beaucoup de sédiments dans une rivière, il va vraiment avoir un changement du type d'espèce. Donc, comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'il y a des sédiments qu'un environnement est pollué, mais si on change l'environnement, il va y avoir des nouvelles espèces, c'est dangereux de diminuer la diversité des habitats. Parce que, en fait, la diversité biologique qu'on a aujourd'hui est vraiment due à la diversité d'habitats. Donc, on perturbe toutes nos rivières, il y a de plus en plus de sédiments, mais il y aura de moins en moins d'habitats différents, donc de moins en moins d'espèces. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour contrôler la quantité de sédiments qui va dans une rivière? Oui, bien en fait, il y a beaucoup, par exemple, si on pense aux terres agricoles, on essaie de garder près des cours d'eau, on essaie de garder une bande de forêt, ce qui fait que les racines, la végétation autour retient les sédiments et empêche une trop grande quantité de sédiments d'aller dans le cours d'eau. Mais souvent, les bandes de forêt qu'on laisse sur le bord des rivières sont pas assez larges, donc il y a quand même beaucoup de sédiments, mais il y a quand même des règlements qui sont... pas suffisant selon moi. C'est toujours mieux que rien. Ouais, mais c'est à ça qu'il faut travailler, donc les bandes riveraines en bordure des terres agricoles ou autres. Oui, puis comme moi par exemple, je travaille, mon projet de recherche est sur les tourbières exploitées. Ouais. Donc quand ils exploitent la tourbe, il y a beaucoup de sédiments qui vont se ramasser dans les cours d'eau autour. Puis pour contrer ça, ils vont construire des bassins de sédimentation qui vont ralentir la vitesse de l'eau, donc les sédiments vont avoir le temps de déposer avant de rejeter l'eau. dans les rivières. D'accord. Ben, en tout cas, voilà qui nous donne quand même un bon aperçu des facteurs qui peuvent influencer la qualité de l'eau des rivières, donc l'habitat du poisson et toutes les conséquences pour l'industrie de la pêche récréative. Donc, merci à tous les deux. Je rappelle que Myriam Sansondo et Sébastien Ouellet-Prou sont étudiants à la maîtrise et au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de vos travaux à la radio. Merci à vous. Merci. Alors maintenant, on va faire une pause publicitaire, une pause musicale sur CKRL au 89.1 et on vous revient par la suite avec les changements climatiques.